psy dans la zik. J'ai des classiques stockés dans mon PC. Ouais, des blocs de CCS stockés dans nos PC. Ouais, c'est brise de la droite, des terres comme un chiffre de droit. Ça parlait des types là, hey, comme ta Silva. Ouais, tu es d'accord comme des prises à Minotaur. Et j't'en faire du rap, et j't'en mets toi tes gants. On démarre comme des rappeurs. Parce que déjà, ton cœur t'as pas pu lire à l'alligator. On fait pas ton choix à ceux qui aboient, mais plutôt à ceux qui t'attaquent le bras. Tu vois ce que je vais dire, c'est vite arrivé. Dans la vie, on fait tous arriver à la ligne d'arrivée. Certes, on y arriveront avec des séquelles. D'autres, ils lanceront des morts sur le cerveau. Le phénomène de la street dans les veines, j'ai du ciment. Représailles urbaines sur celui qui ment. CRM16, un flow Kalachnikov. Devine les dégâts, ça peut faire sur ton porche. Le phénomène de la street dans les veines, j'ai du ciment. Représailles urbaines sur celui qui ment. Braquage à micro armé acharné. Trois gars à l'armée, venus vous désarmer. Voulu comme Ben Laden, j'rappe quoi qu'il advienne. Que les connards viennent, j'me fais rare comme une belle canadienne. Rallie les ennemis, élimine les faux moralistes. Réaliste sur la liste, moi j'ai quoi j'ai réaliste. La banque a fourré du sphère, ta soeur veut du sperme. Triste comme un père de famille qui commet l'adultère. Phénomène de la street, j'baise avec l'art triste. Artiste d'Afrique, mes rimes vous foutent la trip. Encaisse la portable, loin d'être incapable. Ça m'éclate de mettre des claques, des premiers rabats. Scotty au bâtiment, MC impertinent. Complètement compétent, ta team ne peut pas dire non. Fais pas serma, tu me connais. J'veux pas être mal accompagné. J'vois pas l'intérêt d'avoir une équipe qui sait pas cogner. On fait pas de cinéma, alors y'a pas de fiction. Supprime les petits cons, j'domène manque d'action. Phénomène de la street dans les veines, j'ai du ciment. Représailles urbaines sur celui qui ment. CRM16, un flow Kalachnikov. Devine les dégâts, ça peut faire sur ton porche. Phénomène de la street dans les veines, j'ai du ciment. Représailles urbaines sur celui qui ment. Braquage à micro armé acharné. Trois gars à l'armée, venus vous désarmer. On a le flow qui va avec, hein. Comme Rouskov, Molotov, hein. Bagneux, Malakoff, hein. 9-2, Motherfuck, hein. On a la cote, hein. Même si tu veux le boycott, hein. Ton son décote, hein. Baisse le ton avant que tu sautes, hein. Monte le son dans ta gueule, foutre ton A3, ça décoiffe, c'est tes gars et deux gars de l'A3, ça déboîte. Comme une clé, bras en free fight, ça pique rap, des blocs et des blocs de 16, c'est du free rap. C'est du fat, on rap en mode fusillade, on rap. Même encerclé jusqu'à la mort, comme Arafat, on frappe. Coute là dans le hip hop, tu chipotes, on clicote, on chicote. Hey mec, y'a pas de boulot. C'est PC, on a blessé le PC, c'est le DC. Fais évacuer le rap français, du lourd à la pesée. L'instru des pesées, évite des jacter, comme j'évite la CC. Phénomène de la street dans les veines, j'ai du ciment. Représailles urbaines sur celui qui ment. CRM16, un flow Kalachnikov. Devine les dégâts, ça peut faire sur ton porche. Phénomène de la street dans les veines, j'ai du ciment. Représailles urbaines sur celui qui ment. Braquage à micro armé acharné. Trois gars à l'armée, venus vous désarmer.